Gorge égorgée, ventre éventré, fœtus et viscères arrachés, accrochés au mur. J'entends 136 Algériens morts massacrés. Je n'entends pas les cris et n'invente pas ce que pensent les hommes qui éventrent les ventres. Entre ma tête et mon corps, je n'ai plus de gorge. Je n'entends pas le cri que je veux crier.